Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Et aujourd'hui, on va parler d'un rendez-vous essentiel, la journée de la santé de la femme. Prendre soin de soi, c'est parfois juste oser pousser une porte, poser une question ou prendre un temps pour sa santé. Et le mercredi 11 mars de 10h à 18h, le centre hospitalier intercommunal Amboise-Château-Renaud organise justement une grande journée de la santé de la femme. Une journée ouverte à toutes, gratuite, placée sous le signe de l'information, de la prévention et du dépistage. Santé gynécologique, suivi, accompagnement social, conseils personnalisés. L'objectif, il est simple, rendre la santé plus accessible, plus claire et puis permettre à chacune de repartir avec des réponses concrètes. Pour parler de cette journée, je vous propose l'écoute d'un échange enregistré dans notre studio avec Aude Leloup, assistante sociale, Suzanne Alves, infirmière, et Marie-Charlotte Nishingwe, sage-femme au centre périnatal, toutes les trois intervenant au centre hospitalier intercommunal Amboise-Château-Renaud. Bonjour Aude. Bonjour Marlène. Pourquoi organiser une journée dédiée à la santé de la femme ? Alors les constats parlent d'eux-mêmes, 81% des femmes se préoccupent davantage de la santé de leurs proches, donc leurs conjoints, leurs enfants, voire leurs parents, plutôt que de la leur, et 77% repoussent la consultation chez leur médecin, tandis qu'elles ne sont que 38% à faire des bilans de santé périodiques. Oui, donc une journée qui répond clairement à un besoin identifié. Qui est-ce qui l'organise cette journée ? Alors du coup, c'est une journée à l'initiative de la Caisse d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui a proposé au CPTS du département, donc aux communautés professionnelles territoriales de santé, donc les associations qui représentent les professionnels de santé libéraux, de s'associer avec les hôpitaux locaux pour organiser une journée dédiée à la santé de la femme sur cette semaine-là du 9 mars, une journée donc par territoire. Donc Château-Renaud, ça sera donc le mardi 10 mars pour ce qui nous concerne, et Amboise le mercredi 11 mars. Très bien, alors à cette occasion, les patientes qui viendront, elles pourront retrouver quoi ? Alors les patients pourront découvrir des ateliers de sensibilisation, des ateliers de présentation des services, des ateliers pratiques et des dépistages. Alors, je vais peut-être pas tout énumérer, mais il y aura de l'information sur l'addictologie, l'infarctus du myocarde, les violences conjugales, le sport santé, l'endométriose, la ménopause. Il y aura des partenaires tels que la Caisse d'assurance maladie, le CCAS d'Amboise, le service entourage, la médiatrice en santé de la CPTS Asclépios, la pose d'Aloïs, l'association Flamand Rose, la Ligue contre le cancer, la MSA, un tas de partenaires qui seront présents et vous pouvez voir le détail sur la page Facebook de l'hôpital d'Amboise ou sur leur site internet et il y aura le programme détaillé. En effet, on le voit déjà passer. C'est quoi les modalités pour venir à cette journée ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce que c'est payant ? Les lieux, les horaires ? Comment ça va se passer ? Alors du coup, c'est sans inscription, de 16 à 99 ans, et c'est gratuit. Tout, même tout est gratuit. Les dépistages ? Les dépistages, il faudra présenter bien sûr sa carte vitale aux admissions en amont, mais ça, il y aura un agent d'accueil qui vous expliquera tout en détail. Il y a certaines choses où il y aura des horaires particuliers, comme au centre de périnatalité avec des groupes de discussion, là avec des horaires, et puis le self-défense à 16h30 aussi, là il y a un horaire. Sinon, c'est de 10h à 18h, ce rendez-vous sans ordonnance. Gratuit, sans ordonnance, voilà. Très bien. Donc, comme on le précisait en début d'émission, tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui. Autour de cette table, on a Suzanne et Marie-Charlotte qui vont aussi prendre bien sûr la parole pour nous expliquer ce qu'elles font et ce qu'elles vont proposer. Oui, du coup, Marie-Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer qui es-tu et pour qui travailles-tu ? Pour quel service peut-être ? Je suis sage-femme, donc au centre périnatal de proximité de l'hôpital. C'est un service donc périnatal autour de tout ce qui est la naissance, donc les suivis de grossesse, préparation à naissance, suivi postnatal. Mais on est aussi un service de gynécologie avec un peu de chirurgie. On fait du suivi gynécologique autour de la santé de la femme, sur toute la vie de la femme. On est également un centre de santé sexuelle avec l'accueil de jeunes de manière anonyme et gratuite. On est aussi un centre d'orthogénie, c'est-à-dire qu'on peut réaliser des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses avec aspiration. Voilà, surtout ce qu'on peut faire dans notre service. Et quel type de professionnel travaille dans ton service ? Alors, on a plusieurs métiers qui travaillent au centre de périnatalité. On a d'abord les secrétaires qui sont essentielles à notre service parce qu'elles sont à l'accueil et donc elles reçoivent en premier nos patientes. Et sur des sujets qui touchent à la santé de la femme, c'est important d'avoir des personnes qui sont particulièrement qualifiées sur ce sujet parce qu'elles peuvent recevoir autant des demandes de suivi de grossesse que des demandes d'interruption de grossesse. Et puis évidemment, elles s'occupent de tout ce qui est administratif et du coup nous décharge et qui nous permet nous de nous concentrer sur les soins. On a également donc des médecins, on a deux gynécologues, une médecin généraliste qui s'occupe de l'orthogénie, donc des interruptions de grossesse, et on a aussi une pédiatre qui est là une matinée par semaine. On a quatre sages-femmes pour tout ce qui est suivi de grossesse, suivi gynécologique, de prévention, et on a également une conseillère conjugale et familiale qui intervient dans le cadre du centre de santé sexuelle et qui est là une demi-journée par semaine pour des consultations et des entretiens qui sont gratuits. Est-ce que tu peux nous rappeler comment on peut avoir accès au centre de périnatalité et aussi pour quel âge ? Alors les âges sont très variables parce qu'en plus on a une pédiatre qui intervient une matinée par semaine. Et du coup effectivement on est sur un âge très précoce. Voilà. Et puis qu'on voit en fait les femmes dès... Enfin voilà, on voit leurs femmes avec les bébés juste après la naissance. Lundi j'ai vu un bébé qui avait 4 jours, qui sortait juste de la maternité. Donc on les accueille très tôt, mais sinon c'est avec notre public, c'est quand même plutôt femmes enceintes, femmes qui viennent d'accoucher. Et donc la pédiatre les suit jusqu'à 2 ans. Et ensuite on revoit les adolescents avec le centre de santé sexuelle. Donc à partir du moment où il y a des questions autour de la puberté ou de l'entrée dans la vie sexuelle, donc adolescents, et puis après voilà, toute la vie de la femme. Et puis sur toute la vie de la gynécologie, cancérologie. Donc ça peut aussi aller très très loin dans la vie des femmes. Donc pour en revenir à la journée santé de la femme qui se déroulera donc le 11 mars 2026, votre service a une implication forte. Est-ce que tu peux nous détailler ce que vous allez proposer aux patientes ? Alors il va y avoir déjà des choses dans les couloirs du service avec des stands autour de l'endométriose, de l'information, de l'explication sur ce qu'est cette maladie et comment la prendre en charge. Il va y avoir un stand aussi sur l'hygiène de la femme, sur la contraception, sur l'allaitement. Et puis on aura plusieurs soignants qui seront là, sages-femmes et gynécologues, pour proposer des dépistages, surtout cancer du col de l'utérus avec des frottis, sans rendez-vous. Les personnes pourront venir se présenter quand elles se rendent compte que ça fait peut-être longtemps qu'elles n'ont pas fait de dépistage. Et on aura aussi des groupes de parole avec une psychologue qui va s'appeler « Ma vie, mes hormones et moi ». Donc il y en a un sur la ménopause, un sur le postpartum, un qui sera sur la contraception et sur la charge mentale. Donc avec différents horaires qui seront sur le site de l'hôpital et sur le groupe Facebook. Du coup, il y aura aussi Suzanne Olves qui est donc infirmière. Suzanne, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est ta fonction au sein de l'hôpital ? Alors, je suis infirmière depuis avril 2024 sur le site de l'hôpital, sur le centre de prélèvement et sur le service de la PASS, qui est la permanence d'accès aux soins de santé. Voilà. Donc, tu participeras aussi à la journée santé de la femme. Qu'est-ce que ton service va proposer ? Alors, au niveau du centre de prélèvement, donc je peux accueillir les personnes qui ont nécessité de faire réaliser un bilan sanguin, un bilan urinaire, PCR, comme chaque jour, mais ce jour-là, voilà, ce sera toujours possible de le faire. Il est possible aussi de faire un dépistage au niveau du diabète avec la réalisation des glycémies capillaires. Et je vais aussi proposer un petit jeu questions-réponses à base avec des petites cartes, voilà, pour discuter un petit peu autour du thème du diabète. Et il y aura aussi une sensibilisation, notamment sur le sujet de l'infarctus du myocarde chez la femme. Voilà. Très bien. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes une femme, que vous vous posez des questions sur l'endométriose, la contraception, le dépistage, la ménopause, quel que soit votre âge, c'est gratuit. Vous pouvez venir rencontrer l'équipe du centre hospitalier intercommunal Amboise-Château-Renaud d'Amboise le 11 mars. Et puis on retrouve un événement similaire le 10 mars, donc la veille, à Château-Renaud dans les locaux de la tannerie. Et vous pourrez retrouver toutes les informations, notamment sur les réseaux sociaux via Facebook en priorité, qui relaie tout à fait très bien tous ces rendez-vous. Eh bien, merci à toutes les trois d'être venues nous présenter ces journées très particulières. Et merci pour votre engagement pour la santé des femmes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Retrouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.